Quelques mots maintenant sur l'origine du projet de séminaire et sur ses enjeux. Cela fait à peu près 2 ans, en fait, que l'on partage l'envie de constituer un groupe de travail autour des débuts de la vidéo légère en France, au sein de la BNF, un groupe de travail qui réunirait vidéastes, chercheurs, chercheuses, conservateurs, conservatrices, témoins, personnes intéressées, étudiants, étudiantes, etc. Et je suis très heureuse de constater qu'il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs de cette histoire qui sont aujourd'hui dans la salle. Et je tiens tout de suite à préciser que là, le dispositif aujourd'hui est un peu scolaire, un petit peu formel, mais qu'à partir de du mois prochain, on travaillera dans un contexte très différent, autour d'une table, dans la salle des commissions de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, et que du coup, l'esprit groupe de travail pourra vraiment se mettre en œuvre. Là, le dispositif aujourd'hui est un peu plus formel. Voilà. Donc ce désir de constituer un groupe de travail est ancien. On avait envie d'écouter les actrices et les acteurs de cette histoire, de croiser leurs récits pour documenter les vidéos auxquelles nous pouvions déjà avoir accès. C'est ce que nous faisions déjà dans le cadre de nos recherches personnelles, mais cette idée de constituer un groupe était, à notre avis, une priorité. Plus on est nombreux, évidemment, et nombreuses, plus on avancera pour écrire cette histoire collectivement. L'enjeu était aussi de collecter des bandes de vidéos encore en déshérence, dans des caves, dans des greniers. Et on partait du constat, Alain l'a rappelé, qu'il existe quand même de grosses lacunes dans les lieux de conservation dédiés au support vidéo, qu'il s'agisse du département de l'audiovisuel de la BNF, du département des nouveaux médias, évidemment au Centre Pompidou également, de l'INA, ou encore d'associations d'archives régionales et de cinémathèques régionales, d'associations telles que le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, sa déléguée dans la salle, Nicole Fernandez, Heure Esquise, ou d'autres lieux. Donc on avait envie que ce soit l'occasion donc, de procéder à de nouveaux transferts, de nouvelles collectes. Voilà. On est ravis que le projet voit enfin le jour. C'est un peu particulier parce que l'idée était de partir d'abord d'un groupe de travail et ça prend finalement immédiatement la forme d'un séminaire. C'était plutôt l'inverse qui était envisagé en fait au début. Donc on espère que cette idée de travail collectif, j'insiste, et de synergie, de multiples énergies, va pouvoir se confirmer à partir de maintenant. C'est une histoire qui reste largement à écrire que celle des débuts de la vidéo légère en France. Dans la lignée, bien sûr, des travaux pionniers, comme ceux d'Anne-Marie Duguay, de Raymond Bellour, de Jean-Paul Fargier, de Danny Bloch, de Philippe Dubois, de Françoise Parfait, de Christine Fanacheux et de bien d'autres, évidemment. L'idée n'est pas ici, j'insiste, de présenter des résultats de recherche aboutis, mais bien d'essayer d'ouvrir et de cerner un terrain de recherche qui doit permettre de tenir ensemble de multiples appropriations de l'outil vidéo, dans un contexte historique donné, qui est celui donc des débuts d'un médium technique. Je tiens vraiment à souligner la modestie de cette initiative, de notre démarche. Il s'agit simplement d'amorcer un travail. Quant à l'intitulé vidéo des premiers temps, évidemment, il nécessite une certaine justification, du moins que l'on apporte un certain nombre d'éclairages. Il ne s'agit là encore que d'une hypothèse de travail à valider ou finalement peut-être à rejeter à l'issue du séminaire. On va voir si sa pertinence est confirmée ou non. On espère vraiment y voir plus clair à la fin de l'année, quelle que soit l'issue de ce chemin commun. Cette formulation vidéo des premiers temps, donc, nous allons la mettre ensemble à l'épreuve. Notre intention première en utilisant ce terme, et j'espère ne pas trahir ce que pensent également mes camarades. Notre idée était d'ouvrir un terrain d'étude encore peu étudié en ne cloisonnant pas les divers usages et les diverses appropriations, je le disais tout à l'heure, dont le médium vidéo a fait l'objet. On voulait mettre en lumière une pluralité de pratiques, souvent occultées finalement par l'art vidéo qui, à partir de 1974, tente à occuper principalement le terrain. Le statut de la vidéo, qui se trouve entre art et communication, est extrêmement complexe. Évidemment, on peut se poser la question de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un support? Est-ce qu'on parle d'un mode technique de production, de diffusion? d'un médium, d'une esthétique? Est-ce qu'on envisage l'image vidéo? Est-ce qu'on envisage le dispositif vidéo? Comment, somme toute, faire l'histoire de la vidéo alors qu'elle coexiste avec le cinéma, avec la télévision, avec les arts plastiques, évidemment, tout en n'étant rien de cela exclusivement? Notre intention est de resituer l'histoire de la vidéo des premiers temps dans une histoire plus large des ciné-dispositifs, des dispositifs d'image animée, avec cette idée que, probablement, la vidéo des premiers temps constitue un moment de l'histoire des ciné-dispositifs qui mériterait d'être approfondi et qui présenterait des points communs, des traits communs, certaines analogies avec le cinéma dit des premiers temps. On souligne en effet souvent les points communs qu'il y a entre le cinéma des premiers temps et les pratiques contemporaines à l'ère du tout numérique, d'Internet, de la téléphonie mobile, mais on s'intéresse peu à la période spécifique de l'apparition de ce nouveau médium que représente la vidéo légère à la fin des années 60. Or, cela nous semble probablement dommage, et cela mériterait que l'on s'y attarde à notre avis. Cela pourrait en effet permettre peut-être de dépasser le stade de l'analogie simple pour saisir un point d'enchaînement historique concret et des sortes de filiations. Oui, donc le vocable de vidéo des premiers temps, en effet, il résonne de manière délibérée et assumée pour nous avec celui de cinéma des premiers temps. Il faut rappeler l'origine de ce terme qui a été proposé par le chercheur théoricien du cinéma André Gaudreau en 1979 pour se substituer à celui qui était plus utilisé en histoire du cinéma classique, de cinéma primitif. Derrière ce simple changement de vocable, en fait, il y a surtout un retournement du regard, de la manière d'envisager ce moment de ces 20 premières années de l'histoire du cinéma, puisqu'il s'agit, au lieu d'y pister, comme le faisait l'histoire cinéphile, ce qui préfigure la forme classique ou institutionnelle du cinéma, en distinguant des éléments exogènes hérités de l'imagerie ou du théâtre, et dont le cinéma devait se défaire pour devenir lui-même, des éléments qui, eux, allaient être amenés donc effectivement à préfigurer la forme instituée du cinéma, la nouvelle histoire du cinéma se propose plutôt d'appréhender dans leur cohérence propre les modalités de faire et de recevoir les films à cette époque, accouchant notamment du concept central de cinéma des attractions. Le cinéma des 20 premières années étant donc décrit comme un ciné-dispositif cohérent, ce terme de ciné-dispositif, lui, est d'invention plus récente, mais on peut le citer là. Cohérence, donc, entre le mode de présentation des films, leur forme brève, leur caractère non narratif, mais axé sur des effets de surprise et de choc et de déploiement d'un étonnement visuel instantané. Tout ça étant cohérent, donc, entre les modes de production et les modes de réception. Notre idée sous-jacente n'est pas de construire une analogie qui serait déplacée entre deux périodes et deux médias qui sont fondamentalement différents. Il est, en reprenant ce terme de cinéma des premiers temps pour le transposer à la vidéo, d'adopter simplement un principe de prudence méthodologique qui consiste à ne pas préjuger d'un usage qui serait plus essentiel à la vidéo que les autres. L'un des premiers avantages, c'est celui-là, c'est de ne pas présupposer de légitimité supérieure d'un mode d'appropriation sur un autre, d'éviter de tomber dans un essentialisme du médium vidéo, le médium vidéo trouvant sa raison d'être par excellence dans tel ou tel champ d'application. C'est aussi même de refuser de considérer qu'il y aurait déjà, dès les débuts, un usage prédéterminé par la société qui utilise ces techniques. C'est, comme le dit André Gaudreau de façon persistante depuis une vingtaine d'années, le processus d'institutionnalisation et en quelque sorte de seconde invention du média, bien des années après sa première invention technologique, qui conduit à définir des usages normalisés de cette nouvelle technique. Le deuxième avantage, c'est celui de prendre ce modèle, c'est de nous inviter à mettre en relation des modes de production, de diffusion et de réception comme formant une sorte de système cohérent. Le troisième avantage, c'est de nous inviter, comme ça a été fait pour l'histoire du cinéma des premiers temps, à inscrire le médium dans des séries culturelles externes, à éviter de considérer la vidéo comme un champ clos, mais au contraire à le situer dans la continuité, ou plus exactement dans la reprise, le réinvestissement de pratiques et de formes venant du cinéma militant, de l'audiovisuel éducatif, de la télévision, etc., etc. Alors, le vocable de vidéo des premiers temps n'est pas sans risque, mais celui de cinéma des premiers temps ne l'est pas non plus. André Gaudreau, dans son dernier ouvrage « Cinéma et attraction pour une nouvelle histoire du cinématographe », procède à la critique du terme qu'il avait lui-même défendu une vingtaine d'années auparavant. Et on pourrait repartir de cette critique des trois composantes du vocable « le cinéma des premiers temps » pour voir comment la transposer à la vidéo. André Gaudreau d'abord critique l'usage finalement du mot « cinéma » dans ce vocable, parce que le risque serait de considérer que la cinématographie des 20 premières années serait déjà du cinéma avec un grand C dans sa modalité institutionnelle fixée. Alors qu'en est-il pour la vidéo ? C'est un peu différent parce qu'en fait la vidéo, à un moment donné, est mise à part le domaine des arts plastiques. Le terme est largement tombé en désuétude à un moment que moi je ne saurais pas dater. Est-ce que c'est au milieu des années 80 ? Dans les années 90, les spécialistes le diront mieux. Mais le terme est largement tombé en désuétude pour désigner un média. La vidéo comme média, on n'en parle plus guère que, semble-t-il, que dans le domaine des arts plastiques, qui est un champ évidemment important aussi dans notre considération. Mais dans les autres domaines, on va dire qu'on ne l'utilise plus que pour parler d'une modalité technique. On va parler d'un film tourné en vidéo aujourd'hui, très couramment. Mais ce n'est pas la vidéo, c'est un film tourné en vidéo, donc modalité technique simplement de production. Où on va l'utiliser pour désigner un objet audiovisuel qui ne ressortit pas de la catégorie œuvre filmique, par exemple une vidéo sur YouTube. Chose à prendre en considération aussi, évidemment. En somme, le risque dénoncé par Gaudreau de rabattre une réalité institutionnelle plus tardive sur les premiers temps, de faire de la téléologie, c'est-à-dire de lire le passé à partir de ce qui va suivre, et peut-être plus mince avec la vidéo qu'avec le cinéma, en définitive, puisque de toute façon, ce terme de vidéo ne constitue plus un vaste champ institutionnel. On ne peut pas parler véritablement de vidéo institutionnelle. Le deuxième terme qui est en cause chez Gaudreau, c'est « premier temps ». Gaudreau dit, en reconsidérant finalement l'appellation qu'il a proposée, que le risque est d'occulter le fait que la cinématographie des débuts, elle s'inscrit dans la suite de pratiques culturelles et visuelles préexistantes pour ce qu'il concerne pour le cinéma, donc la féerie, l'imagerie, le théâtre de genre, etc. Et parlant de premier temps, le risque est de continuer à considérer que le cinéma, à ses débuts, est à une sorte de point d'origine pensé comme tel par les acteurs de l'époque, alors qu'en fait, eux-mêmes ont bien sûr conscience d'avoir un outil nouveau du point de vue technique, mais qu'ils pratiquent dans la continuité d'un certain nombre de séries culturelles préexistantes. On a l'impression qu'avec la vidéo, on peut se demander si le problème qu'on constate ne serait pas plutôt inverse, en fait, hormis, encore une fois, peut-être pour l'art vidéo. Le problème, ça serait celui de considérer spontanément la vidéo comme la continuation du cinéma, voire comme une succursale secondaire du cinéma un peu négligée, ou de l'audiovisuel télévisuel. Car la vidéo reste, hormis dans les arts, hormis l'art vidéo, un médium très peu légitime, donc auquel est prêté peu d'autonomie. On pourrait dire qu'au contraire du cinéma, certains acteurs ou actrices de la vidéo des débuts furent convaincus de la nouveauté radicale de ce nouveau médium par rapport au cinéma. Et non seulement c'était pour eux donc une nouveauté technique, mais une source d'invention de dispositifs inédits. D'ailleurs, remarquant au passage, et ça pourrait être assez stimulant de discuter là-dessus, qu'il y a en fait une congruence temporelle, une sorte de concomitance, même s'il n'y a pas eu sans doute de lien direct encore que, entre d'une part les premiers pas de l'étude du cinéma des premiers temps, envisagés non plus comme un moyen de raconter les débuts de l'art cinématographique, mais comme un moyen de dévoiler le procès de construction historique du cinéma dit classique, d'en dévoiler la non-naturalité, le caractère non naturel et non évident, mais de montrer qu'il s'est construit au fil du temps, et du coup de montrer aussi les potentialités d'autres cinémas qui ont été éliminés au cours de ce processus. C'est le travail qu'a fait Noël Birch. Et puis d'un autre côté, les conceptions de la vidéo comme un instrument de renouvellement radical de la pratique de l'image animée, une sorte de tabula rasa. Bien évidemment, je dirais que la concomitance de ces deux éléments dans les années 70 n'a pas à nous entraîner peut-être sur des théories trop élaborées. On est dans les années 70, donc dans un moment évidemment de réflexion radicale dans tous les domaines et de déconstruction, si on peut dire, sans vouloir donner un sens trop connoté à ce mot. Et puis dernière chose, dernier élément de la critique d'André Gaudreau, troisième élément dans le cinéma des premiers temps, c'est l'article singulier. Le risque, ça serait, dit à Gaudreau, de considérer cette cinématographie des débuts comme une, comme quelque chose d'uni, d'unifié, alors que c'est pluriel, c'est éclaté, c'est multiple. Et pour la vidéo, là aussi, le risque paraîtrait plutôt à l'opposé, c'est-à-dire que les domaines comme la vidéo militante ou l'art vidéo, on a tendance peut-être aujourd'hui à les considérer comme trop fortement démarqués, comme déjà des domaines imperméables les uns aux autres, alors qu'en fait, il y a du passage et de la porosité, et c'est aussi ce qu'on voudrait interroger. Voilà, j'ai peut-être été un peu long. J'ajouterai comme quatrième avantage de la reprise de ce terme des premiers temps, celui de mettre en évidence le caractère artisanal, tâtonnant, imaginatif qu'on peut observer de l'outil au moment de son apparition. Il n'y a pas encore de pratique figée, institutionnalisée, codifiée, et la situation donc offre plus d'un trait commun avec les débuts du cinéma, par son caractère hétérogène, l'intermédialité, l'attractionnisme, le caractère non fini, la variabilité dans la réception. Donc il y a un certain nombre de critères qu'il nous semble aussi juste de reprendre et d'interroger. Voilà. On y reviendra évidemment tout au long de ce séminaire. Il ne s'agit aujourd'hui que de pistes.